Минул. Партия 2. Прослушайте текст и скажите, почему главная героиня вернулась домой не одна. Je regarde la femme. Elle est triste. Elle aime Minou, mais ne peut pas le laisser seul dans l'appartement. Pauvre femme. La femme dit: Voici mon numéro de téléphone. Je reviens dans 2-3 mois. Tu vas me téléphoner. Tu vas me parler de Minou. La femme embrasse le chat qui est sur mon épaule. Je vois des larmes dans les yeux de la femme. Elle part vite. Je rentre à la maison avec Minou. Je sonne à la porte. Papa ouvre. Il me regarde. Il voit le chat. Il est très étonné. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il. « C'est mon chat. Il s'appelle Minou. Il est très mignon et je l'aime bien. Je ne veux pas avoir de chat dans notre maison. Où as-tu pris cet animal ? Une femme me l'a donné. Elle doit partir dans une autre ville. Elle n'a personne pour le garder. Où est cette femme ? Je ne sais pas, mais j'ai son numéro de téléphone. Donne-moi-le et rends-lui le chat. Vas-y vite. Mais papa, il est 9h du soir. Il fait sombre. J'ai peur. Je ne pourrai pas trouver cette femme tout de suite. Je rendrai Minou demain. » Furieux, papa va dans sa chambre.